Attendez, Christian. Capitaine? Quelle soirée, mon ami! Quelle leçon! Ah! Je suis frappé par la foudre! La foudre de M'Panzo à Lumena, le roi jupitérien de tous les tékés, les bemba, les nandé, les babinga. Ah non, les babinga, c'est des pygmées, et les pygmées sont libres! Pas de roi pour les pygmées! C'est bien des pygmées, les babinga, hein, Christian? Oui! Le vin de Palme vous a un peu frappé aussi. Non, la foudre de Jupiter à Lumena m'a frappé. Le vin de Palme a juste conduit le courant sacré jusqu'au plus profond de moi, Christian. Christian, tu es mon ami. Je vais vite écrire à ma mère que j'ai enfin trouvé un copain. Capitaine Triguet, Capitaine Triguet. Capitaine, c'est une femme. Qu'est-ce que vous racontez? Quelle femme? Vous êtes ivre? C'est pas bien. Vous ne devez pas parler à votre supérieur Ralchik en état d'ébriété. Monsieur Villiers, c'est pas un monsieur. Sous ses habits, c'est plus du tout un monsieur. Sous ses habits? Vous, qui vous a autorisé à regarder sous les habits de monsieur Villiers? Qui vous a parlé d'une femme? Mais on l'a vu, je vous dis. On l'a tous vu. Il se battait et on était là. Qui se battait? Le capitaine Gabart et monsieur, enfin, Villiers, ils se foutaient des gamelles, et pas des petites. Il se défendait bien, le gamin. Et Gabart, il sait utiliser son poids. Alors, il l'a basculé par terre, et il s'est assis dessus au camion. Oh là là. Et là, il l'a roué de coups. Et alors, le gros, il l'a attrapé par la chemise. Et on a vu. Jésus-Marie miséricorde. On peut pas douter, capitaine, parce que ce qu'on a vu... J'arrive pas à me l'enlever l'image de la tête. Où est-elle? Où est-elle maintenant? Christian, vous saviez? Ce n'est pas le bon moment, Corentin. Ben, le capitaine Gabart, il a été sonné, et puis il l'a emmené. Où? Je sais pas. Derrière la hutte, il nous a interdit de le suivre. Je me suis dit que c'était pas très réglo, alors c'est pour ça que je suis venu vous trouver. Kériadec? Allez chercher mon sabre dans ma tente. Bien, capitaine. Vous êtes certain que dans votre état... C'est justement... Je n'ai pas peur. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas peur. Capitaine, vous avez de l'eau? Ici, capitaine. Des saules. Fruchard? Oui. Franchement? Oui. Castelnac, oui. Récupérez vos fusils et venez avec moi. Bien, capitaine. Bien, capitaine. Votre sabre, capitaine. Merci, Kériadec. Soldat, derrière moi. Deux sur mon épaule gauche, deux sur mon épaule droite. Et ne le mettez en joue que si je vous l'ordonne. Qu'est-ce qu'on va mettre en joue, capitaine? Vous le savez très bien. C'est le moment de faire preuve de loyauté, soldat. Et, mieux encore, de discernement. Bien, oui, capitaine. Hein? Chez moi, Gabart. Tu sais ce qu'il dit, l'article 67 du Code de la Marine? Hein? Mais comment on va faire pour te jeter par-dessus bord? Il n'y a pas d'océan ici. On pourrait peut-être essayer le fleuve. Ils vont se régaler, les crocodiles. Hein? Toute cette chair bien ferme, bien blanche. Je vous interdis de me toucher! Tu m'interdis rien du tout. Au cas où ça t'aurait échappé, tu n'es pas en mesure de m'interdire quoi que ce soit. Et tu seras quoi si on peut pas te toucher, hein? Tu t'es posé la question? C'est joli ce que je vois. Ça fait longtemps qu'on est parti. Et en plus, on n'a pas le droit avec les négresses, à cause des maladies. De toute façon, j'en voudrais pas, moi, des négresses. Mais ça, là... Arrête-tu! Détachez-moi que je puisse me défendre! Tu m'as déjà assez amoché comme ça. Tu sais cogner, ça me plaît. Mais là, je te préfère tranquille. Je vais vous tuer, espèce de gros... Chut! Arrêtez immédiatement! Oh, le petit puceau. Il a quitté le roi des bamboulas? Il veut goûter à la femme blanche? Soldat, arrêtez le capitaine Gabart. Soldats, je vous déconseille fortement... Mais baissez vos armes, bordel de Dieu! Vous ne savez plus reconnaître votre chef! Capitaine Gabar, je vous ordonne de me suivre, ou je vous ferai exécuter pour insubordination, cette nuit même. Compte tenu du nombre de témoins, un procès ne sera pas nécessaire. Mais vous ne comprenez pas, Tréguier. Elle nous a menti depuis le début, cette femme. Mais vient d'où son argent? Vous vous êtes posé la question? Vous croyez qu'un aristocrate lorrain va léguer sa fortune à sa fille? Christian, occupez-vous de Mademoiselle Villiers, s'il vous plaît. Mademoiselle Villiers? Alors vous saviez? Vous saviez, traître? Vous et le nègre, là, vous êtes ses complices? C'est forcément une espionne, bordel! Une anglaise, une prussienne! Et vous saviez? Non, hein, vous êtes trop con, vous, pour être un espion. Elle vous a berné, bien sûr. Elle vous a hypnotisé avec ses tours de gaïcha. Alors c'était ça, hein? Les discussions dans la caravane, les soirées sous la tente. Je vous ai pris pour un puceau, mais vous vous êtes bien fait plaisir avec cette... Emmenez le capitaine Gabar et confisquez-lui ses armes. Je vous rejoins dans un instant. Bien, capitaine. Lâchez-moi, Camille, vous allez bien? Ça va, merci. C'est une erreur, ça. C'est une erreur. Eh ben, dites donc, capitaine. Vous n'y êtes pas allé de main morte sur son crâne. C'était une sensation merveilleuse. Dites, vous allez le faire exécuter, Gabar? Ai-je le choix? Ai-je le moindre choix? Faites des choix! Enlevez tout ce qui n'est pas strictement nécessaire. On a dit pas plus d'un fardeau par porteur et pas plus de 15 livres par fardeau. Capitaine Tréguier, vous êtes bien certain que les soldats doivent porter eux-mêmes leurs munitions? Ça va faire lourd et ça risque de limiter sérieusement la quantité. Vous voyez ces porteurs, lieutenant? Pas un seul ne s'est trouvé de la nourriture dans la forêt. Alors nous avons intérêt à remplir leurs bagages de provisions. Là où nous allons, nous serons tous des étrangers. Il est sage de voyager léger. Votre Majesté, votre visite nous honore. Je vous conseille de vous débarrasser de vos babioles. Les peuples de la forêt n'auront que faire de vos maîtres de cotonnage. Mais gardez un peu de fil de laiton. C'est très pratique pour assembler les colliers et renforcer les arcs. Ce sera un cadeau apprécié. Je vous remercie du conseil. Qu'allez-vous faire de votre condamné? Le fusiller, j'imagine, ce soir. Mon père, dans sa grande sagesse, a mis fin à des siècles de punition par la mort. Contrairement à ce que pensent bien des sots, la peur de ses sujets est le plus grand danger auquel peut s'exposer un souverain. Car la peur mène à la méfiance. La première est éphémère, mais la seconde ne cesse jamais. Cet homme a enfreint plusieurs articles du règlement militaire. Il est incontrôlable, dangereux. Demain, vous allez prendre la piste sud et entrer véritablement dans la forêt. Ce n'est pas le moment opportun pour vous débarrasser d'un soldat aguerri comme le capitaine Gabar. Je sais tout cela, mais je ne peux pas revenir sur ma décision. Qu'en penseraient mes hommes? Montrez votre grandeur. Les graciers font souvent les meilleurs alliés. Une grâce? Oui, c'est un joli mot. Je condamne, je gracie. Vous apprenez vite. Si je peux me permettre un dernier conseil, ne gardez pas cette femme dans votre compagnie. Sa présence vous empêchera d'accomplir la mission que l'on vous a confiée. Mais... Je le sais depuis que l'on m'a annoncé l'arrivée de votre caravane. Vous saviez que Camille était une femme? Enfin, je veux dire, avant que... Monsieur Tréguier, l'avantage quand on vit quasi nu, c'est que l'on ne se fie pas à l'accoutrement d'une personne pour savoir qui elle est. Avec tout le respect que je vous dois, je me permettrai de ne pas écouter votre dernier conseil. Je ne poursuivrai pas le voyage sans Camille. Je ne saurais vous dire pourquoi, mais je sens qu'elle est la raison même de cette expédition, son cœur. Dans ce cas, vous vous exposez à vous retrouver entraîné dans une autre mission, une autre quête. C'est un risque que je prends. Bien, je n'assisterai pas à votre grand départ demain. Ce serait accorder trop d'importance à votre passage. Je vous souhaite une bonne marche, épargnée par le malheur et les obstacles. Bino Batobo Kenda, Bosunga Bango. Et quand vous serez trop perdu, capitaine Tréguier, rappelez-vous la fable que je vous ai contée. Ce sont d'excellentes nouvelles, mon cher Gaston. D'excellentes nouvelles. Au-delà de nos espérances, sauf revers de fortune, il devrait retrouver la trace de Delescluze d'ici à quelques jours. C'est peut-être même déjà fait. Tout à fait possible. Le télégramme ne fonctionne qu'à partir de São Sebastião, rappelez-vous. Je me réjouis que nos capitaines aient enfin trouvé un terrain d'entente. C'est inespéré, ce retournement. Il est vrai que Gabar ne tarit pas d'éloges sur Tréguier dans sa dernière dépêche. Certains hommes découvrent leur valeur sur le tard et se révèlent face aux épreuves. J'ai toujours vu sous l'apparente nullité de Tréguier une trempe d'un acier très particulier. Vraiment. Comment voyez-vous la suite, Albert ? On célèbre en Delescluze le héros, vivant ou mort, de la nation conquérante. On confie à Tréguier la charge d'un comptoir sur le fleuve Congo et à Gabar le soin de former un contingent en Afrique équatoriale. On dame le pion à Léopold en négociant avec les Allemands tout l'espace à l'ouest du lac Albert. Et vous me laissez le champ libre pour développer mes affaires. Vos affaires font nos affaires, Gaston, vous le savez bien. Et vous, mon cher Albert ? Oh, moi, je deviens président. Parfait. À l'avenir. Capitaine ! Les éclaireurs viennent de revenir. Il y aurait un bon emplacement pour le campement en moins d'une heure de marche. Vous aviez raison, on arrive à les comprendre maintenant, avec les signes et les mots que nous a appris M. Christian. C'est étrange. Plus ils sont malades, plus ils ont l'air joyeux. La troupe va mieux depuis que nous empruntons cette bonne piste. Je ne suis toujours pas rassuré sur cette voie que vous nous avez fait prendre. Nous allons de plus en plus vers l'est. Et cette travée est trop large, trop facile. Nous avançons vite, mais nous ne savons pas vers où. C'était impossible de continuer plein sud. L'équipe du professeur Delescluze a forcément fait le même choix. Comment pouvez-vous le savoir ? Nous ignorons ce qu'il cherchait. Cette piste est trop entretenue, trop régulière pour avoir été tracée par les batois. Et tant que nous ne savons pas qui l'emprunte... Vous devriez vous reposer plus, l'ami. L'inquiétude vous va mal. Où est Camille ? À l'arrière, avec la laisse. Elle ne quitte pas cet animal depuis qu'elle ne parle plus aux humains. Elle me parle encore à moi. Regarde qui vient, Solange. Vaillant capitaine. Oh, vous avez mauvaise mine, vous. Les yeux de plus en plus brillants. Sans vouloir vous offenser, vous ne semblez pas non plus très en forme. Vous êtes à court de quinine ? Ce n'est pas la fièvre qui m'étouffe, c'est le corset. Mais voyons, Camille, vous n'avez pas de corset. Nous vous avons autorisé à garder vos habits d'homme. Dans leurs yeux, j'ai un corset. Leur regard m'a rhabillée jusqu'au menton à la seconde où ils ont su que j'étais une femme. Au moins, ils vous respectent. La belle affaire. Ils ne me respectent pas. Ils m'effacent. Hier, nous étions compagnons d'armes, de beuveries, d'infortunes. Et aujourd'hui, ils ne m'adressent ni un mot, ni un regard. À part à la dérober pour se rincer l'œil avec ce qu'ils n'ont pas su voir. Ils se sont sentis trahis. Cela leur passera. Vous êtes tellement attentif aux détails, aux pistils des fleurs et aux élytres des grillons que vous êtes incapable de voir la masse écrasante et flasque du commun des mortels. Vous êtes un être rare, Corentin Tréguier. À vous trouver ? Je l'ai su au premier regard que vous avez posé sur moi, à Nantes. Sembliez si petit au pied de ces immenses navires. Vous m'avez regardé comme aucun homme ne l'avait fait avant. Vous êtes brûlante, Camille. Nous devrions peut-être nous arrêter là. Béni soit votre père d'avoir eu l'élégance de mourir avant de faire de vous un mâle ordinaire. Les fantômes prennent parfois une place plus grande que celle qu'occupait leur enveloppe corporelle. Mais je crois que le fantôme de Gustave Tréguier s'est perdu quelque part, dans l'ouest de l'Afrique. Voix tellement rétrécie que je ne sens plus son poids. Vous avez l'air d'avoir 10 ans tout à coup. Je me sens heureux ici, entouré de ces hommes qui marchent en chantant. Gabar qui n'a pas ouvert la bouche depuis 10 jours, et vous qui me parlez de la sorte. Je sais que rien de mal ne peut arriver. On nous attaque ! Suivre.